Chapitre 31. Premier baiser. Il serait prudent de partir, et patron Ruff avait raison. Toute la nuit, ne pouvant dormir, j'ai donné raison à patron Ruff. Les choses vont trop vite à mon gré. Norette est trop dangereusement ingénue. La pente de notre amourette, si ma fantaisie s'y attardait, a chance d'aboutir au mariage. Voilà où me conduirait la chèvre d'or. Sans compter que, par une étrange contradiction, m'étant mise en tête de me faire aimer de Norette à cause de la chèvre d'or, depuis que Norette m'aime, j'ai oublié la chèvre d'or et ne pense plus qu'à Norette. Passe encore pour la sentimentale histoire des bouquets. Passe pour Sainte-Sarre et les fiançailles à la mode bohémienne. Mais hier, il s'est passé quelque chose de plus grave. Le clair de lune était magnifique et l'on prolongeait la soirée au jardin. Nous étions assis, Norette et moi, sur le banc de pierre. Monsieur Honorat nous tournait le dos, fumait sa pipe et rêvassait, appuyé des deux coudes à la crête du petit mur. Nous causions doucement deux choses indifférentes, comme causent les amoureux, une émotion se devinant sous le flot des paroles vaines. Les dents de Norette brillaient. Je songeais, vaguement jaloux, l'amour est fait de ses sottises, à l'enfantin baiser dont Gantôme connaissait la douceur. J'aurais dû me méfier, mais je me croyais bien tranquille, puisque M. Honorat était là, et que la lune nous gardait. Tout à coup, de sa bonne grosse voix, M. Honorat s'écrie « Bon, voilà la lune qui passe derrière le pic de l'aigle. Nous en avons pour 5 minutes !» Comme si un rideau fût tombé, tout le jardin se trouva dans l'ombre. Nous cessâmes de parler. La main de Norette chercha ma main. Et quand, par degrés démasqués, la lune pleine reparut, je n'avais plus à être jaloux de Gantôme. Oui, il serait prudent de partir. Mais tout semble se conjurer contre moi. La lune après le brouillard et le mistral après la lune. Ce matin, comme je m'apprêtais, mon départ irrévocablement décidé à traverser la place pour régler le compte du Bacchus navigateur, je me suis heurtée à Saladine, qui, fiévreuse, verrouillait la porte, en général grande ouverte, du passage d'Anne. Sortir ? Jésus-Marie, y pensez-vous ? S'est-elle écriée les yeux au ciel en faisant craquer ses mains ridées. Mais par un temps pareil, le Père éternel resterait chez lui. Écoutez un peu cette musique. Il pleut des tuiles, les arbres se rompent, l'eau des fontaines s'envole en farine. Et tout à l'heure, voulant aller chez un voisin à deux pas où tourne la rue, de peur de me voir emporter, j'ai dû me cramponner au mur. Et je recevais dans la figure, en guise de sable, des poignées de cailloux plus gros que les dragées d'un baptême. C'est le mistral ? C'est le mistral ! Et le mistral dure longtemps ? Jamais moins de 3 jours, quelquefois 6, mais 9 jours le plus souvent, m'a répondu Saladine.